La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il y a 100 ans, en 1920, le monde sortait de la Première Guerre mondiale et aspirait à s'amuser. On allait danser sur les décombres, mais également sur les volcans, car la décennie 1920 est une parenthèse entre deux désastres. Elle précède la crise de 29, sur fond de croissance économique et d'intense créativité artistique. En ce début de décennie 2020, nous avons voulu retrouver le goût de cette période avec quatre artistes et créateurs emblématiques que nous allons traiter sur deux semaines au lieu d'une. Dès demain, nous consacrerons trois jours à la vie et à l'œuvre du photographe Man Ray, arrivé à Paris au moment du Montparnasse rugissant. Et puis en début de semaine prochaine, c'est du peintre Fujita, lui aussi l'un de ces artistes émigrés, attiré par les lumières du Paris de l'entre-deux-guerres dont il sera question. Enfin, nous terminerons en racontant la styliste Gabrielle Chanel. Et aujourd'hui ? Nous sommes d'une génération qui avait vu la destruction totale d'une civilisation. Indiscutablement, nous n'avions plus confiance en personne. Vous comprenez, nous avions vu la guerre avec des gens comme Barès, comme Bazin, comme Bourget, qui faisaient l'apologie de la guerre. Et nous avions vu cette atroce chose que nous avons vécue. Rigaud a été dans les tranchées et nous avons vu ce que c'était que la mort. Comment explique-t-on le mouvement Dada ? C'est simplement par cette négation totale. Et Rigaud, qui était un homme extrêmement sincère, a compris que la vie ne comptait plus. Et alors, bon, il a commencé avec les femmes, il a commencé à se marier. Il s'est marié avec une milliardaire imbécile, d'ailleurs. Mais bon, ça a raté. Et puis après ça, il a été très pauvre, il a été vraiment très misérable. Et j'ai un de mes amis qui m'a écrit ce mot terrible, qui s'est suicidé, qui s'appelait Emmanuel Failly, et qui m'a dit « Je ne peux plus vivre dans un monde où tout le monde triche. » Ça, c'était le poète surréaliste Philippe Soupeau en 1970. Alors aujourd'hui, on va introduire notre série par une figure emblématique des années 20, l'écrivain Jacques Rigaud. Pour ce faire, nous sommes avec vous, Jean-Luc Biton. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Après une biographie d'Emmanuel Beauve en 1994 aux éditions du Castor Astral, vous nous revenez donc avec une biographie intitulée Jacques Rigaud, le suicidé magnifique. C'est aux éditions Gallimard. Il y a une préface d'Annie Lebrun qui, elle, est intitulée « Qui a tué qui ?». C'est vrai qu'on parle beaucoup de mort dans cette biographie parce que le suicide, la mort, c'est ce qui hante la vie de Jacques Rigaud, qui sera parallèlement une vie de fête. Exactement. Et alors, on a entendu au début de l'émission la voix de, j'ai reconnu la voix de Philippe Soupeau, oui, qui était un ami très intime de Jacques Rigaud et qui parle évidemment de cette grande boucherie de 14-18 qu'a connu Jacques Rigaud, Soupeau et Drieu La Rochelle et toute cette génération. Et c'est vrai, et ça a été très important pour Rigaud. Il trouvait la guerre épatante, lyrique, sportive, comme Apollinaire, un dieu que la guerre est jolie. Mais ils ont tous été confrontés, Rigaud également, à l'électrochoc de la perte d'un être cher. Et Rigaud a perdu, durant cette guerre, son meilleur ami et mentor, Maxime-François Poncet. Alors on va revenir sur cette période de la guerre, dont on parle finalement assez peu quand on parle de Rigaud, et pourtant ça doit tout de même être assez fondamental. Avant ça, je voudrais qu'on revienne sur cette analogie, la vie de Jacques Rigaud, les années 20. Parce que au fond, entre la mort et la fête, on a l'impression qu'on a la vie de Jacques Rigaud, et on a aussi les années 20, cette sortie de la guerre, et en même temps cette envie d'oublier tout ça. C'est vrai qu'en plus il traverse l'entre-deux-guerres, les années folles, comme une sorte de météore, et il finit exactement au moment où la fête est finie, c'est-à-dire en 1929. Il se suicidera quelques semaines après le krach boursier de New York. Il n'y a pas de lien évidemment, mais il y a quand même une sorte, on va dire, il y a beaucoup de morts en 1929. Ensuite il y a beaucoup de suicides ou des vies, on va dire, usées par les excès des années folles qui se terminent en 29. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a réellement un esprit des années 20? Vous avez passé beaucoup d'années à écrire cette biographie qui ne se passe quasiment que dans les années 20, puisque Jacques Rigaud est mort très jeune en 1929. Est-ce que vous avez décelé quelque chose ou est-ce que c'est un mythe finalement ces années 20? Non, c'est pas un mythe. Je veux dire, le mouvement Dada déjà est né à cette époque-là, juste après la guerre de 14-18. Donc il y avait vraiment une volonté de faire la fête, de s'amuser. Dada, c'était ça aussi, c'était l'amusement. Et Rigaud était presque dadaïste avant Dada. Donc il s'est engouffré dans Dada. Pour lui, c'était une superbe opportunité pour s'amuser. C'était quelqu'un de farceur. Soupeau le dit d'ailleurs dans son témoignage. C'était pas un mythe, c'était vraiment des années folles, quoi. Et en plus, c'est dans un certain milieu. Ah, dans un certain milieu, certes, mais alors c'était un milieu qui se mélangeait. C'est-à-dire qu'il y avait la grande bourgeoisie, la petite bourgeoisie, et puis il y avait les gens qui étaient, la majorité des dadaïstes n'étaient pas des grands bourgeois. Hein. Breton était fils de gendarme. Rigaud, c'était le fils d'un inspecteur du Montmartre. C'était la petite bourgeoisie, on va dire. Hein. Donc, et les gens, il y avait une sorte de brassage social à l'époque, en tout cas, qui n'existe plus aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cloisonné. Et alors, l'esthétique des années 20, est-ce qu'elle vous parle à titre personnel? Elle me parle dans le sens que déjà, bon, Rigaud, c'était quelqu'un de très élégant, qui était le plus élégant des dadaïstes. Hein. Et il a connu aussi les années folles à New York, puisqu'il a vécu aux États-Unis. Donc, il a connu dans deux pays les années folles. Et il y a surtout un côté, peu de critiques ont remarqué chez Rigaud, mais il y a un côté fitzgeraldien, on va dire. Il fréquentait le même milieu que Fitzgerald à New York, d'ailleurs. Mm-hmm. J'ai pas trouvé la preuve qu'ils se soient vraiment connus, mais ils ont probablement dû se croiser. Mais il y a cette idée que finalement, les arts décoratifs, le design, tout ça, c'est des périodes très fortes dans l'entre-deux-guerres. Et Jacques Rigaud, c'est un dandy, on va raconter sa vie avec vous. Il a, par rapport aux objets, forcément, comme tous les dandys, un rapport particulier. C'est vrai qu'on associe quand même énormément cette figure avec cette période-là, pour cela aussi. Alors, il y avait aussi la voiture. Il y avait un côté futuriste aussi chez Rigaud, pas que Dada. Hein. C'est avec la vitesse, les belles voitures, justement cet esthétisme des superbes voitures à l'époque, les Delage, etc. C'était des choses magnifiques. Et New York, pour lui aussi, c'était le comble de l'esthétique des années 20, avec les gratte-ciel, etc. Alors, il s'est suicidé, donc on l'a dit, hein, quelques jours après le crash boursier qui a eu lieu à New York le 24 octobre 1929, qui marquait vraiment le début de la fin des réjouissances. On savait pas jusqu'où ça irait, mais malheureusement, c'est allé très très loin. Il s'est suicidé pas n'importe où quand même. Oui, dans l'ex-demeure de Châteaubriant à la Vallée aux Loups, qui avait été, dont le propriétaire à l'époque était le docteur Henri Le Savoureux, qui avait racheté cette demeure de Châteaubriant à la famille La Rochefoucauld, et qui avait créé une sorte de clinique, de maison de santé pour intellectuels dépressifs. Et d'ailleurs, ce docteur Henri Le Savoureux, il n'est pas très connu, mais il mériterait d'être connu plus, parce qu'il a été vraiment très actif. Il avait fait un petit cénacle d'intellectuels. Jean Pelant est passé là-bas. Il y a plein de gens qui sont passés là-bas. Léoto est mort à la Vallée aux Loups. Donc, c'était un endroit très important. Peut-être que c'est votre troisième biographie. Vous aimez vous consacrer très longuement à chacun des personnages que vous étudiez. Non, je crois que je vais arrêter les biographies. Là, parce que là, c'était 15 années de travail pour Rigaud. Pour Boeuf, c'était 14 ans avec Raymond Kous. Donc, voilà. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que ça vous a changé d'écrire cette biographie, de passer autant d'années? Parce qu'il faut quand même dire que les deux tiers de ce que vous écrivez dans cette biographie étaient totalement inconnus. Exactement. Alors, c'était très difficile parce qu'en fait, c'était une première biographie, comme celle d'Emmanuel Boeuf d'ailleurs. D'où la difficulté. Emmanuel Boeuf, il y avait des archives parce qu'il y avait la fille d'Emmanuel Boeuf qui était encore vivante. Jacques Rigaud, il n'y avait plus personne. Il n'a pas eu d'enfant. Il n'y avait pas d'archives. Donc, tout était à faire. C'est pour ça que ça a pris 15 ans aussi. Donc, vous êtes beaucoup baladé. Vous êtes allé à New York. Oui, je suis allé faire des recherches à New York. J'ai retrouvé des correspondances chez des petits-enfants, des enfants. Tout ça a pris vraiment, c'était très laborieux. Hein. De quoi vous êtes le plus content, de quelle trouvaille finalement? Ah ben, les dernières trouvailles à la Vallée aux Loups, justement, j'ai retrouvé un collage réalisé par Jacques Rigaud, qui est très troublant et très bouleversant en même temps, où il a collé une sorte de visage sur du papier sans bouche, avec juste des yeux vides et des articles de presse concernant des suicides. Et je l'ai authentifié, évidemment, parce que l'archiviste qui avait trouvé ça ne savait pas qui avait réalisé ça. J'ai tout de suite vu que c'était Rigaud. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous disait que c'était lui ? Parce qu'il y avait des références à des gens qu'il connaissait dans les collages des articles de presse. C'était des amis, certains de ses amis étaient évoqués dans ses articles de presse. Et le style aussi. C'était un peu un collage, mais ça fait partie de son œuvre picturale. Donc il y a une œuvre picturale aussi ? Complètement. Et aussi, j'ai retrouvé des photos à la Vallée aux Loups qu'il avait affichées dans sa chambre, dont une photo, par exemple, d'un revolver et des ampoules de morphine qui avait été une photo qui a été faite par Jacques-André Boiffard, qui était le photographe des surréalistes et qui avait pris cette photo en 1929. Et il avait affiché cette photo dans sa chambre. Je serai sérieux comme le plaisir. Les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Il n'y a pas de raison de vivre. Mais il n'y a pas de raison de mourir non plus. La seule façon qui nous soit laissée de témoigner notre dédain de la vie, c'est de l'accepter. La vie ne vaut pas qu'on se donne la peine de la quitter. On peut par charité l'éviter à quelques-uns, mais à soi-même. Le désespoir, l'indifférence, les trahisons, la fidélité, la solitude, la famille, la liberté, la pesanteur, l'argent, la pauvreté, l'amour, l'absence d'amour, la syphilis, la santé, le sommeil, l'insomnie, le désir, l'impuissance, la platitude, l'art, l'honnêteté, le déshonneur, la médiocrité, l'intelligence. Il n'y a pas là de quoi fouetter un chat. Et cet extrait d'un article de Jacques Rigaud paru dans la revue Surréaliste Littérature pour commencer déjà à planter le décor. L'œuvre de Jacques Rigaud, on vient d'en entendre un extrait, il n'y en a pas beaucoup. C'est une œuvre qui est quand même très fine, rien ou presque. Oui, c'était une gageure, j'imagine, pour vous. Oui, c'était ce qu'on appelle un écrivain presque sans œuvre, on va dire, hein, comme l'a dit Jean-Yves Jouannet dans son essai « Artiste sans œuvre ». Malgré tout, il a une œuvre, puisqu'elle est réunie aujourd'hui chez Gallimard dans la collection Blanche. Depuis les années 70, d'ailleurs, c'est ça qui a été écrit. Exactement, qui a été retrouvé par Martin Kay, qui a été le premier à exhumer les textes de Rigaud et à travailler sur Jacques Rigaud. Mais son œuvre de son vivant, évidemment, elle est très mince. Il a publié 8 textes de son vivant, principalement dans les revues littérature. Donc la revue des surréalistes. Enfin, c'est la revue dadaïste, hein, littérature dadaïste. Et il tourne le dos un peu. Il a un côté rimbaldien, Rigaud, hein, parce qu'il part à New York à la fin de Dada, c'est-à-dire en 1923, et il arrête la publication. Il continuera d'écrire toute sa vie jusqu'à la fin, mais il ne publiera plus. Ce sera le silence éditorial définitif à partir de 1923. Il publie encore quelques lignes dans une revue d'avant-garde américaine qui s'appelle Little Review, dirigée par Jane Epp et Margaret Anderson. Toujours les petites revues un peu élitistes, un peu sur le côté, qu'on ne connaît pas très bien. Il n'y a pas de volonté de toucher le grand public chez Jacques. Non, non. Il suivait les préceptes d'Ada, de dire de ne pas faire de la littérature, de ne pas être un littérateur. C'est pour ça que Drieu enviait Rigaud aussi, parce que Drieu, lui, était un littérateur. Il ne voulait pas l'être, mais il l'a. Alors que Rigaud était complètement libre. C'était un poète, Rigaud, en fait. C'est pour ça que je le compare à Rimbaud. D'ailleurs, il y a beaucoup il a un style rimbaldien, d'ailleurs, dans ses écrits, je trouve. Mais est-ce qu'il se sentait réellement libre ou est-ce que c'était pour refuser toute contrainte, y compris la contrainte du jugement des autres ou de la publication, qu'il a si peu laissé d'œuvre ? Alors, il a un rapport à l'écriture qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il ne publie plus, mais il continue d'écrire, mais il écrit en désordre, hein, sur des télégrammes, sur des menus de restaurants, des aphorismes, des choses. Il ne cherche pas à le garder, donc si ça disparaît, alors, ça disparaît. Il les garde, parce qu'on retrouvera après sa mort quand même une valise, la fameuse valise qui n'était pas vide, hein, qui était pleine de manuscrits quand même, qu'il avait conservés. Il a probablement brûlé des choses, parce qu'à un moment, il le dit à Soupeau qu'il a brûlé ses manuscrits, mais il a conservé quand même ces choses-là, même si c'était des feuilles volantes, etc. Il a conservé tout ça. Mais alors, c'est quoi son rapport à la littérature? Est-ce qu'il apprécie au moins la littérature? Alors, oui, parce que alors, dans la valise vide, le fameux portrait charge de Drieu consacré à Jacques Rigaud, Drieu écrit que ce n'était pas un lecteur, etc. Mais en fait, non, c'était justement à travers mes recherches, j'ai compris que Rigaud était un grand lecteur. Il adorait Octave Mirbeau, il adorait Courteline. Mirbeau, bon, c'est un écrivain un peu anarchisant, on comprend qu'il aime ça. Il lisait Flaubert, il a lu Jacques Vacher, enfin bref. Mais il ne fait pas référence à la littérature dans son œuvre, hein, pas souvent. Il ne fait pas de critique de livres, etc. Il en parle un peu. C'est comme les drogues, d'ailleurs, il ne parle pas beaucoup de drogues. Pourtant, il s'est beaucoup drogué. Hein. Comme il écrit, les stupéfiants se passent de justification. À la limite, la littérature, c'est la même chose pour lui. Elle se passe de justification. Et Rimbaud, alors, pourquoi vous l'avez-vous cité tout à l'heure? Vous avez dit qu'il ressemblait dans son style un peu à Rimbaud. Dans son style, je trouve qu'il a un style poétique qui ressemble étrangement à Rimbaud. Alors déjà, de par sa vie, le Harare de Rigaud, ça sera New York en fait. Hein. Et il part d'ailleurs avec des idées... Il y a un peu plus de monde à New York qu'à Harare, bon. C'est ça, mais il part avec des idées de business, comme il disait à l'époque, hein. De faire du commerce à New York. Il part pas pour faire de la littérature, il part pour faire fortune. Et il y croit vraiment. Hein. Donc, comme Rimbaud part en Abyssinie... Il va pas vendre des canons, mais il aurait pu, hein, finalement. Il aurait pu, je pense. Ça l'aurait pas dérangé, probablement. Ah non, ça l'aurait pas dérangé, je pense. Non, non, pas du tout. Et il fait un pastiche, d'ailleurs, dans son œuvre d'un célèbre... vers de Rimbaud sur la chemise, je ne sais plus, j'ai dû noter ça quelque part, mais il faudrait que je le retrouve. Est-ce qu'on peut parler un peu de ses origines familiales? C'est aussi un fils de bourgeois, lui. Alors, de petit bourgeois, c'était vraiment la petite bourgeoisie. Donc son père était inspecteur au bon marché. Son père était l'enfant naturel d'un petit-fils de la famille Geoffroy Saint-Hilaire. En fait, la grand-mère paternelle de Jacques Rigaud avait été embauchée par la famille Geoffroy Saint-Hilaire comme employée de maison. Et ce fameux petit-fils de Geoffroy Saint-Hilaire, en fait, a fait deux enfants à la domestique. Et c'était des enfants naturels qui ont été reconnus, mais ils ont gardé le nom de la grand-mère paternelle, Rigaud. Est-ce que c'est pour ça que la femme du père de Jacques Rigaud, qui était d'ascendance noble ou de petite noblesse... Elle avait une petite, oui, petite noblesse quand même, mais elle méprisait un peu son mari. Voilà. Elle méprisait son mari, alors qu'elle-même n'était pas d'une grande ascendance. Donc, c'était un couple assez bizarre dans lequel Rigaud, d'ailleurs, étouffait. Hein. Il le dit bien souvent... il avait une pancarte d'ailleurs chez lui qui mettait sur la porte de sa chambre « Jacques dort, ne pas déranger ». Et dès qu'il pouvait s'échapper de sa famille, il le faisait. D'ailleurs, il a dit qu'il était ou qu'il se sentait vierge de toute filiation. Exactement. Il disait qu'il n'avait pas de nombril, donc il efface la mère puisqu'il n'a pas de nombril. Hein. Donc c'est l'enfant sans nombril. Et Drieu le dit à un moment dans son Adieu à Gonza, il dit je t'ai vu bâiller devant ta mère comme devant un manet, quelque chose comme ça. Donc non, c'était. Alors il profitait évidemment parce qu'il n'avait pas d'argent, il restait chez ses parents. Il comptait sur eux financièrement. Puis après, les parents, ils en ont eu assez, et ils l'ont lâché, quoi. Il était seul au monde. Il se sentait seul au monde, et c'est peut-être pour ça qu'il a développé un goût de la provocation, pour se faire remarquer. Alors, il y avait, je pense que c'était vraiment inné chez lui, comme disait Gabriel Pomeran, le lettriste, le poète lettriste, en parlant de Rigaud, il disait qu'il a été capable d'éblouir les éblouisseurs eux-mêmes, c'est-à-dire les dadaïstes. Mmh. Il était dada avant les dadas. Et on le sent d'ailleurs parce qu'il c'est pour ça qu'il a joué un rôle essentiel au sein du mouvement Dada. Il a participé à toutes les manifestations Dada. Pendant le procès Barrès aussi, il a été très provocant hein, quand même. Il a dit « j'étais un embusqué pendant la guerre ». L'embusqué, c'était la figure Oni. C'est la la compagnie des œuvres que vous écoutez. Et vous êtes bien sur France Culture pour ouvrir notre série d'émissions sur les années 20. Nous parlons de Jacques Rigaud, qui est un emblème de cette période, écrivain né à Paris le 30 décembre 1898, qui a eu une enfance heureuse. Vous dites même, Jean-Luc Bitton, que si Rigaud évoque rarement son enfance, elle n'en tient pas moins une importance capitale. Elle est une sorte de paradis perdu. Quel est l'enjeu, finalement ? J'ai écrit « Le désir a été la sensibilité de mon enfance ». Hein. Cet enfant, il a fait le lycée Montaigne, Stanislas, Louis le Grand. Il a une très belle éducation. Très belle éducation, une scolarité plus ou moins chaotique. Il commence par être un très très bon élève. Oui, il commence. Et après, ça décline. Hein. Il y a une sorte de décrochage scolaire qui se fait. Il fait l'école buissonnière. Il rencontre ses premiers amis au lycée, Charles Peignot, René Chaumette, qui deviendra le cinéaste René Clair. Et ensuite, il fait vaguement des études de droit pour faire plaisir à sa famille. Il passe même par une banque. À un moment, il fait un stage dans une banque. Et surtout, il sera le secrétaire particulier d'Abel Hermant, brièvement, et après, plus longuement, celui de Jacques-Émile Blanche. Alors c'est très beau cette citation que vous avez faite, « Un passé joyeux révolu, son enfance où le désir s'écrit avec une majuscule. Le désir a été la sensibilité de mon enfance », venez-vous de dire, Jean-Luc Bitton. Quel désir, quel type de désir, tous les désirs? Est-ce que c'est un enfant finalement vorace qui deviendra un adulte qui ne supporte plus d'avoir à disposition finalement cette enfance merveilleuse dans laquelle tous les désirs étaient possibles? Il y a quelque chose comme ça chez Rigaud. C'est vrai qu'il veut tout avoir, hein, et il veut être le premier à l'avoir en plus. Hein. Je crois dans une sorte de texte, il est dit « Je voudrais avoir même ce que vous désirez, j'aimerais l'avoir avant vous. » Et toute sa vie est basée là-dessus, et sur le rapport à l'argent aussi, pour lui, qui est très important. Il n'en a jamais, mais il en a besoin. Voilà, c'est ça. Il n'était pas fait pour faire de l'argent, mais il était fait pour en dépenser. C'est ce qu'avait dit, je ne sais plus quel témoin. Il excellait dans l'art de ne rien faire aussi. Ça, c'était joliment dit aussi. Mm-hmm. Mais le désir, donc, c'est vraiment le déterminant de sa vie. Le désir et le plaisir. Il a dit « je serai sérieux comme le plaisir ». Là, il fait encore une inversion de valeur, une sorte de formule oxymorique entre le plaisir et qui doit être quelque chose de sérieux. Et le désir, c'est pareil pour lui. C'est quelque chose qu'on doit prendre au sérieux. Mais c'est la seule chose qu'on doit prendre au sérieux, le désir et le plaisir? Pour lui, je ne pense pas, parce ses textes aussi sont beaucoup axés sur une sorte de métaphysique de la mort, du suicide. Il y a un vrai aussi discours, on va dire, intellectuel sur ces sujets qui sont pas si superficiels que ça. C'est pas un être non plus complètement superficiel, Rigaud. Mais le désir et la mort, ça rappelle la petite mort, c'est un peu la même chose finalement, le sexe et la mort. Alors sur la sexualité, c'est vrai que Rigaud aussi, Drieu en parle un moment dans Radio à Gonzague, il dit qu'il l'a vu comme une sorte de libertin un peu au regard froid, un peu, c'est-à-dire une sorte de jouissance froide, sans vraiment, sans sentiment, même s'il a été éperdument amoureux de sa riche américaine. Hein. Mais ils allaient au bordel ensemble avec Drieu. Il y avait ce côté un peu mécanique justement du plaisir et sexuel que Rigaud et Drieu pratiquaient ensemble. Mmh. Jacques Rigaud, mon cher ami, était un personnage extrêmement sympathique, extrêmement gai, qui avait un sens de l'humour extraordinaire. C'était un garçon rieur. Je vous ai rappelé précédemment combien nous avions fait des 400 coups ensemble. Et il aimait le plaisir, il aimait les femmes, il aimait les camarades. Il était très sensible à l'amitié. Et au fond, ce n'était pas du tout un personnage aussi sinistre qu'on veut bien le dire. Je l'avais connu quand il avait été le secrétaire particulier d'un peintre célèbre à cette époque qui s'appelait Jacques-Émile Blanche, qui a été le portraitiste de la comtesse de Noailles, d'André Gide, de Paul Valéry et de tant d'autres. Et Jacques Rigaud apportait chez Jacques-Émile Blanche, qui était un homme beaucoup plus âgé que lui, une sorte d'esprit d'enfant terrible, d'enfant de la maison, mais enfant terrible, qui était extraordinaire. Et Jacques-Émile Blanche avait l'habitude, comme c'était l'habitude à l'époque, de réunir ses amis à déjeuner ou à dîner. Et Jacques Rigaud, qui était au bout de la table, posait des questions absolument incongrues. Et ça amusait beaucoup tout le monde, et en même temps, ça les scandalisait beaucoup. Par exemple, je me souviens qu'il demandait à Gide « Pourquoi avez-vous un chapeau en forme de poire ?» Ou bien il demandait à Valérie « Mais est-ce que l'influence de la salade de betterave a plus d'importance que la salade de laitue sur votre prosodie ?» La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Avec cette anecdote toujours de Philippe Soupeau sur le caractère impertinent de Jacques Rigaud, c'est une scène qui se passe un peu plus tard dans sa vie que le moment des études dont on parlait à l'instant, Jean-Luc Biton, mais on voit qu'il est un dandy. Il est presque un peu un hussard, si c'était pas anachronique de le dire, parce que les hussards, c'est après la Seconde Guerre mondiale, mais il y a quelque chose de similaire. Une grande guerre, le sentiment que la destruction a fait son œuvre, et derrière, des jeunes gens qui finalement se moquent de la vie, risquent leur vie, et pour qui ce qui compte finalement, c'est de faire des coups et des coups d'éclat. C'est vrai. D'ailleurs, Rigaud continuera de risquer sa vie quand il raconte sa première tentative de suicide où il appuie sur la gâchette et le coup ne part pas. Et il raconte toute la sensation qu'il a après cette mort non vécue, mais il pensait qu'il allait mourir. Alors, quelle sensation décrit-il ? Ah bah c'est une sorte de sensation de liberté totale, c'est-à-dire de se dire j'ai failli mourir, mais je suis encore vivant. Et aussi ce pouvoir de l'avoir fait, d'avoir eu le courage d'appuyer sur la gâchette et d'avoir entendu le déclic, mais le coup qui ne part pas. C'est la roulette russe, hein. C'est le jeu de la roulette russe. Hein. Donc c'était un homme en perpétuel sursis. Il vivait avec cette idée. Alors, il répète plusieurs fois dans ses textes, même dans ses correspondances, toute ma vie, j'aurais été un homme qui cherche à ne pas mourir. Toute sa vie se résume jusqu'à la fin d'ailleurs, quand il envoie ses dernières lettres à Jacques-Émile Blanche. Il dit, on aimerait que je travaille, que j'écrive, mais alors qu'aujourd'hui j'ai pensé pendant une heure, est-ce que je vais entendre la détonation quand je vais me tuer? Et pourtant, penser, c'est une activité pour les gens pauvres, disait-il. Oui. Ça veut dire quoi ça? Bon, ça, il se moque un peu, on va dire, des poètes officiels, des poètes avec un H, comme l'écrivait Jacques Vacher. C'est-à-dire, voilà, pour lui, la pensée, et en plus, trop penser mène au suicide aussi. Il écrit ça à un moment. Hein. Donc, penser est une besogne de pauvre, oui. Alors, on peut dire que c'est un nihiliste, un peu comme on a pu le dire des hussards, un peu comme on a pu le dire des écrivains fin de siècle. C'est vrai qu'il y a plus, on peut dire ça, il y a un côté nihiliste. On a parlé de cynisme aussi, mais là, je suis moins d'accord. Là, je pense qu'il n'était pas si cynique que ça, Rigaud. Il avait un côté froid, comme ça, désengagé, détaché, nonchalant, qui fascinait d'ailleurs Drieux. C'est ça qui fascinait Drieux. On rappelle quand même que Drieux a écrit Feu Follet, oui, à partir du personnage qui est devenu donc Jacques Rigaud, mais à partir de Jacques Rigaud. Drieux, il a connu, on va dire, son cycle Rigaud, hein, qui lui a inspiré quand même ses meilleurs textes. Donc ça commence par La valise vide en 1923, qui est un portrait charge de Rigaud, qui fait grand bruit dans le milieu littéraire à l'époque, qui est publié dans la NRF. Ensuite, à la mort de Jacques Rigaud, après le suicide de Jacques Rigaud, Drieux évidemment culpabilise, hein, il dit c'est moi qui l'ai tué. Pourquoi ? Parce que Drieux a toujours considéré Rigaud il n'a jamais reconnu le talent de Rigaud en tant qu'écrivain, en tant que poète en tout cas. Parce qu'il n'avait pas d'œuvre, ou très peu. Alors, je ne sais pas, mais je pense qu'il avait lu. Et d'ailleurs, Drieux, en 1930, après la mort de Rigaud, la NRF publiera des textes de Jacques Rigaud. Donc Drieux a lu les textes de Jacques Rigaud. Et je pense que Rigaud lui faisait lire ses ébauches. Hein. Donc, mais je pense que Drieux était envieux aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que Rigaud était complètement désengagé, il ne voulait pas être un littérateur, il voulait avoir une liberté totale sur ce qu'il faisait, sur ce qu'il écrivait, alors que Drieux, lui, il était vraiment dans la littérature. Et il a écrit d'ailleurs Rêveuse bourgeoisie, par exemple, c'est un peu la rêveuse bourgeoisie, hein, Jacques Rigaud aussi. Oui, c'est vrai, ou dans Gilles aussi, on reconnaît un peu Rigaud, mais c'est surtout donc après la mort, c'est-à-dire qu'il écrit un adieu à Gonzague, qui est un court texte, hein, qui est vraiment écrit juste avant l'inhumation de Rigaud au cimetière de Montmartre, et qui est un texte, une sorte de mea culpa déchirant de la part de Drieux, mais qu'il ne publiera pas, qu'il mettra dans un tiroir qui sera exhumé par le biographe de Drieux en 63. En revanche, après, il éclaira Le Feu Follet, qui sera publié en 31 chez Gallimard, et qui raconte en fait les dernières 24 heures de son ami Jacques Rigaud. Alors, Drieux La Rochelle, on sait très bien quel sera son destin de collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il devient directeur de la NRF. Tout à l'heure, je parlais des hussards, qui ne sont pas connus pour être très à gauche non plus. Oui. Cette espèce d'ambiance, finalement un petit peu sulfureuse, autour du coup de l'entourage de Jacques Rigaud, j'imagine que vous avez dû y réfléchir, vous avez dû vous interroger. Alors, j'ai rien trouvé de politique pendant mes recherches sur Rigaud. Bon, Drieux, à l'époque, de toute façon, n'était pas vraiment politique. Hein. Il sera politique beaucoup plus tard, après la mort de Rigaud. Mais Rigaud, en tant que tel, avait des amis de gauche, de droite. Il n'y avait pas de volonté politique chez lui. Il n'évoque jamais la politique, d'ailleurs, dans ses textes ou dans ses correspondances. Hein. C'est l'amitié qui fonde son réseau. Oui, c'est une amitié d'ailleurs qu'évoque Soupault dans son témoignage. Hein, d'ailleurs, après il y a eu l'agonie des amitiés, comme dit Soupault. Mais pendant ces années folles, pendant ces années dadaïstes, c'était des amitiés très fortes qui se sont jusqu'à la fin d'ailleurs, parce que Drieux restera ami avec Jacques Rigaud et Rigaud restera ami avec les surréalistes aussi, même s'il participe au mouvement surréaliste, il restera très ami avec Breton, Picabia, Tristan Tzara. Mais alors quand même, ce nihilisme, ce dandysme, est-ce qu'il faudrait le remettre en cause, l'interroger, le condamner, pourquoi pas, en tous les cas, se demander si c'est une attitude qui permet une bonne entente de la société. Est-ce que c'est des questions aussi que lui pouvait se poser ou que vous vous êtes posé en écrivant cette biographie-là? Il y avait un côté provocateur chez Rigaud, hein, c'est clair. Et aujourd'hui, il y a des jeunes générations qui sont fascinées par lui, par ses textes, par sa vie, évidemment. Ce côté jusqu'au boutiste, ce côté pur aussi de Rigaud, de la pureté. Il y a aussi une dimension presque, on va dire, les fameux suicidés de la société, hein, c'est dont fait partie Rigaud, Vacher et Cravant. Qui finalement ce qui meurt pour racheter la médiocrité de notre société. C'est un peu ça dans la version Artaud-Van Gogh. Et une impossibilité de vivre dans la médiocrité. Exactement. Exactement. C'est une impossibilité qui finalement n'est presque pas théorisée. C'est une impossibilité qui est absolument ressentie par eux. Qu'ils vivent, bien sûr. Même quand il se marie avec cette riche américaine à New York, il n'est pas dupe. Rigaud, il sait que son mariage va aller à volo, que ça va pas durer. Et donc il est dans la Rolls-Royce, mais il ricane. C'est sa seule manière de s'en sortir. Il a suivi le conseil de Breton qui était épouser des femmes riches, éviter le journalisme et tout ça. Il vaut mieux épouser des femmes riches. Le feu de la première guerre. Un jour, Rigaud. La mort à rebours. 29. 28. 27. 26. 25, 24, 23, 22. Le beau dandy de Dada. Seigneur, ne vous fichez pas de moi. L'écriture comme une répudiée. Aidez-moi, j'aiderai le ciel. Le plaisir au désespoir. J'ai besoin de croire à mon inexistence pour continuer à vivre. Ni homme, ni Dieu. Plus d'images. Dilemme. De deux choses l'une. Ne pas parler, ne pas se taire. Suicide. extrait d'Aphorismes écrits de Rigaud, lui ici par Grégoire Le Prince Ringuet. Jean-Luc Bitton, avant de revenir à sa vie, parce que c'est surtout sa vie qu'on connaît, l'œuvre étant très mince, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on a entendu là, c'est un bon exemple de la littérature de Rigaud, ce côté très fragmentaire, c'est l'espèce d'images qui partent comme ça, un peu comme des fusées? Oui, oui, tout à fait. C'est d'ailleurs très moderne. Hein. C'est lui qui a inventé cette écriture fragmentaire et d'aphorismes. Et il tourne autour de ça tout le temps. Alors il essaye de faire des ébauches de textes, mais je pense pas qu'il était pas intéressé par le roman. D'ailleurs, il y a un moment, il dit que j'aimerais bien écrire un livre sur l'incapacité d'écrire. Donc c'est un peu paradoxal. Et il tourne autour de ça. Et c'est pour ça que c'est un poète, c'est pas un écrivain. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de Rimbaud. C'est vrai que j'ai retrouvé ce pastiche de Rimbaud. J'ai trouvé un jour ma chemise assise sur mes genoux. Je l'ai appelée beauté. Je suis depuis un peintre de chemise. Voilà, ça c'était Rigaud. Ce côté, on va pasticher, mais on fait presque mieux que Rimbaud. Et son écriture est moderne, très contemporaine. C'est-à-dire que c'est ça qui est remarquable chez Rigaud dans son écriture. C'est qu'aujourd'hui, certains de ses amis de l'époque sont illisibles, alors que lui reste lisible. On y retrouve quoi? Du Apollinaire, on y retrouve... Il y a du Lautréamont aussi. Il y a du Lautréamont, il y a du... Il y a plein d'écrivains ensuite aussi contemporains qui vont être fascinés par l'écriture de Rigaud. Il y a Lucas Laferte, par exemple, qui considérait Rigaud comme un de ses mentors, hein, dans son panthéon de la littérature. Alors, quelle est sa place parmi les gens du mouvement Dada? Parce que, revenons un petit peu à ses années de lycée, ses études donc vont de plus en plus à Volo, et puis à un moment, je crois que c'est en 1915, il a 17 ans, il connaît un premier décrochage scolaire que vous, un peu malicieusement, vous mettez en relation avec l'année de l'ouverture à Zurich de la boîte de nuit du cabaret Voltaire, où va naître précisément le mouvement Dada de Tristan Tzara. C'est vrai. C'est à cette époque-là qu'il quitte l'école, au même moment où le Dada va essaimer dans le monde entier. Et Dada arrivera à Paris en 1919 avec Tristan Tzara, en fait, qui va arriver à Paris. Il rencontrera pas Dada tout de suite, en fait, hein, Rigaud. Il rencontre d'abord Breton, qui va lui être présenté par une de ses amies, Simone Kahn, qui sera la future épouse de Breton ensuite. Une très grande amie, d'ailleurs. Très, très grande amie. C'est vraiment avec Colette Clément et Maxime-François Poncet. C'était vraiment un trio d'amitié. Et c'est Simone Kahn qui va présenter Rigaud aux dadaïstes, en fait, qui va introduire Rigaud au célèbre Café Certa, le lieu de rendez-vous des dadas. Alors, il paraît que quand il est entré au Café Certa, tout le monde s'est retourné. Oui, ils ont eu le souffle coupé, déjà. Le garçon le plus beau qu'ils aient jamais vu. C'est vrai que bon, tout le monde... Bon, c'est pas tellement ce que les photos semblent. Alors, ça dépend. C'est étonnant. S'il y a des gens qui le trouvent très beau, puis il y a d'autres gens qui le trouvent moins beau. Moi, je trouve qu'il avait un charisme extraordinaire. Oui. Plus que d'une beauté physique, il était beau. Hein. C'était quelqu'un... il y a beaucoup de photos de nu de lui, même, que j'ai retrouvées sur la plage. Il est magnifique. Et vous montrez d'ailleurs ces photos dans votre biographie. Des photos de nu en groupe, d'ailleurs, aussi. C'était quelque chose qui pouvait gêner tellement. L'époque était au libertinage, aussi, hein, dans ce milieu-là. Donc... il y avait aussi Laure Peignot, il y avait Charles Peignot, donc il y a sa sœur qui était la future Laure. Il y a eu plein de... c'était très libertin. C'était très libertin. Donc il y a un petit peu ce petit groupe d'amis, des garçons, des filles, Drieu-La Rochelle, Colette, Simone, et tous ces gens-là vivent un petit peu ensemble. Comment ça se passe finalement? Alors, tous participent au mouvement Dada. Simone Kahn aussi assiste aux manifestations Dada. Colette Clément. Et en fait, les couples se forment et se défont aussi. Rigaud donc participera tout de suite au mouvement Dada en 1920. Et à partir de ce moment-là, il deviendra une des figures centrales du mouvement Dada. C'est-à-dire qu'on le retrouve sa signature dans les tracts Dada, on retrouve sa signature dans les communiqués de presse Dada. À partir de octobre 1920, il fera partie de toutes les manifestations Dada, les premières expositions de Max Ernst, de Man Ray. Il sera très actif. Ouais. Il est plus dadaïste que les dadas, finalement. Exactement. C'est le roi des dadaïstes. Il était né dada, c'est ce que j'ai écrit à un moment. C'est-à-dire qu'il était fait pour dada, en fait. Et pourtant, c'est de Breton dont on se souvient, c'est de Tsara dont on se souvient. C'est vrai qu'il avait, il était peu bruyant, en fait. Donc, du coup, mais en même temps, quand j'ai fait mes recherches, j'étais étonné que tous les gens qui ont croisé ou rencontré Jacques Rigaud à cette époque-là se souvenaient de lui. Ouais. Se souvenaient, mais parfaitement de lui. Donc, je pense que c'était quelqu'un qui avait vraiment une présence incroyable. Dada, c'est plutôt après la guerre. C'est même 1920, l'arrivée de Tsara à Paris. On a commencé à évoquer tout à l'heure les années de guerre de Rigaud. Il faudrait qu'on aille un petit peu plus loin, Jean-Luc Bitton, parce que c'est quand même 3 années de guerre. Alors, la première chose à dire, c'est que c'est lui qui s'engage volontairement. Exact. Il s'engage volontairement. Alors l'engagement volontaire, c'est intéressant parce qu'en fait, ça vous permettait de sauver votre peau. Parce paradoxalement. Que paradoxalement, vous pouviez choisir votre corps d'armes quand vous vous engagez volontairement. Alors que si vous étiez un simple appelé, vous étiez directement au front dans les tranchées. Donc lui, Rigaud, en tant qu'engagé volontaire, il choisit l'arrière-front, il choisit très très en arrière. L'artillerie lourde. Donc c'est-à-dire, c'est très loin des tranchées. Alors, il sera malmené une fois, dans une lettre, il dit qu'il a été malmené, mais il s'ennuie la plupart du temps, hein, comme beaucoup de soldats de... C'est le spleen de 14. Exactement, de l'arrière-front. Alors, il trouve ça joli, il voit les choses dans le ciel, comme Apollinaire, mais sinon, il s'ennuie beaucoup. Mais alors, pour quelqu'un qui a la vocation du suicide, quand même, il va pas tellement au contact avec l'ennemi. Il pourrait dire un peu comme Junger, l'orage d'acier, c'est merveilleux, mais non, lui, il est resté quand même en arrière. C'est vrai. Et alors, il est touché par la mort de son ami, évidemment. Là, c'est un électrochoc, quand même. Par son ami qui meurt en Bretagne, encore plus à l'arrière. Maxime François Poncet, ouais, qui est touché par un éclat d'obus. Et là, on sent que tout d'un coup, il y a une sorte de faille qui se crée en lui. Il est confronté à la réalité de la guerre, c'est-à-dire à la mort d'un être cher. Et là, c'est ça. C'est différent. La faille, elle a peut-être commencé aussi plus tôt. On dit qu'à 17 ans, il a déjà tenté de se suicider une première fois. Vous n'êtes pas catégorique là-dessus? Oui. Il y a des témoignages. Bon, j'ai jamais eu de preuves vraiment. Mais il y a quelques personnes qui disent ça, qu'il a fait une première tentative de suicide à l'adolescence. Ouais. Mais en tout cas, c'est pendant la guerre qu'il découvre la drogue. Exactement. Donc, la fêlure, elle est peut-être là aussi encore davantage. C'est vrai. Il parle de la cocaïne, qu'il prendrait de la coco, comme on disait à l'époque, pendant la guerre. De la cane, comme il dira quand la il ira aux États-Unis. Cocaine, oui, c'est vrai. C'est intéressant, ça, sur le langage, l'argot, concernant les drogues, ouais. Et il sera initié donc à la drogue pendant la guerre. Et en fait, ça serait pendant les années dadaïstes où là, tout le monde fumait de l'opium. Il y avait des fumeries d'opium partout dans Paris. Donc, il partit. Ensuite, ça sera crescendo, ça sera la morphine, ça sera l'héroïne à New York, où il découvre l'héroïne à New York, d'ailleurs, ce qui n'existait pas en France. Grimpé sur mon piano, je suis l'antéchrist coiffé d'un entonnoir de gramophone. Prestige de la démence. Faire une chose qui soit complètement inutile, un geste pur de cause et d'effet. Jusqu'ici, comme ailleurs celui de l'apesanteur, c'est le règne de l'utilité. Désormais, par l'absurde, je vais m'évader. L'orgueil amer de se sentir sans origine. Creux comme un mirliton, je circule à l'incertaine poursuite de tout ce qui pourrait remplir cette concavité. Je n'imagine rien d'aussi sec que moi. Je ne tiens à personne ni à rien. Je n'attends rien. Je me rappelle avoir éclaté de rire. Je me rappelle avoir eu l'échine glacée à la pensée de la gloire. Je me rappelle avoir été ardeur d'amour. Il n'y a plus aucune vie en moi. En dehors de l'ennui, je ne me trouve pas. Je n'ai pas de place. C'est un autoportrait que cet extrait des propos amorphes lu par Dominique Noguez. Par l'absurde, je vais m'évader. Jean-Luc Bitton. Ah, je n'avais pas reconnu la voix de Dominique Noguez. Qu'on salue, qui nous a quittés il y a quelques mois. C'est vrai, qui a écrit sur Rigaud, et il m'a envoyé une lettre à propos de Rigaud d'ailleurs. Et oui, ce texte est le premier texte de Jacques Rigaud qui sera publié, pas dans une revue, d'obédience dadaïsme, mais une revue libertaire qui s'appelle Action. Et en fait, je pense qu'il a publié ce texte grâce à Jacques-Émile Blanche qui publiait dans cette revue également. Et c'est vrai que c'est un texte très frappant. Il commence très très fort. J'ai retrouvé une critique qui demande presque au texte dadaïste d'être comme le texte de Jacques Rigaud, d'être aussi frappant que celui-ci. Mmh. Donc vous avez tout à l'heure indiqué que le Harare de Rigaud, c'était finalement New York. Il y va parce qu'il a rencontré une riche américaine, Gladys Barber, ou est-ce qu'il y était déjà avant? Quelle est la nature de l'attirance pour les États-Unis? Alors c'est compliqué, parce que c'est la fin de Dada. Il travaille toujours pour Jacques-Émile Blanche. Mais le milieu littéraire... Qui est son secrétaire particulier. Et ils fantasment sur l'Amérique, hein, comme beaucoup de jeunes gens de cette génération à l'époque. Ils sont tous américanophiles, par la modernité, l'esthétisme de américain. Pour eux, c'est un peu leur Eldorado. Hein. Donc Drieu, d'ailleurs, éclaira sur les Américains, les Américaines surtout. Et donc Rigaud fantasme sur les États-Unis. Donc il a vraiment une volonté, en plus de faire sa vie là-bas, c'est-à-dire de faire fortune avec tous les clichés sur l'Amérique. Qui est encore un endroit où on pense qu'on peut faire fortune comme ça facilement. C'est presque un petit peu naïf de le dire comme ça. Il va essayer d'être agent littéraire, ça ne va pas du tout marcher. Oui, il ment à sa famille, il dit qu'il va représenter des maisons d'édition parisiennes à New York. En fait, il n'a aucun contrat, il n'a rien du tout. Il a juste un bon carnet d'adresses et un costume et avec un chapeau de forme pour on va faire de la pénétration sociale dans la high bohémia new-yorkaise. Mmh. Est-ce qu'il aime New York comme Paul Morand a aimé l'esthétique de New York? On n'a pas l'impression finalement. Alors il se moque un peu de New York hein, dans ses textes quand il évoque New York. Et il est très excité au début par New York et très vite il est désenchanté. Hein. On sent dans la correspondance avec Blanche. Les premières lettres sont presque euphoriques. Et ensuite, on sent une sorte de déprime qui arrive. Et je crois qu'il dit que l'Amérique, finalement, ça va pas si vite que ça. On perd son temps. Enfin, c'est un peu lent. Finalement, la lenteur existe aussi à New York. C'est un peu comme s'il y avait eu une traversée possible vers un ailleurs, la traversée de l'Atlantique. Et que finalement, cet ailleurs, c'est comme partout ailleurs, il ne se passe rien de vraiment particulier. Et puis, il est confronté aussi à la dureté financière de la ville. Il part avec un petit pécule grâce à une souscription qui est lancée par Drieu et ses amis qui lui financent le voyage. Mais le petit pécule fondra vite comme neige au soleil. Et il se retrouve sans le sou, hein, dans la précarité. Donc voilà, et après, ensuite, il reviendra à Paris où il rencontrera cette fameuse Gladys Barber, la richissime américaine, qui est venue divorcer avec ses 4 enfants à Paris. Il la rencontre à Paris et il repartira avec elle. Mais ça ne va pas durer non plus très longtemps, il la méprise plus ou moins? Alors, il se marie en 1926 à New York, à la mairie de New York. Le mariage tiendra 3 ans, ils ne divorceront jamais, ils se sépareront 3 ans après. La riche américaine, en fait, était effrayée par les frasques de Rigaud. Et son alcoolisme, sa toxicomanie. Exactement. Et d'accord, il découvre d'ailleurs l'héroïne à New York, à Harlem, au début des années, dans les années 20, qui était très présente à Harlem. Et je pense que la Gladys Barber, elle était complètement effrayée. Hein. Il y avait de l'amour quand même dans ce couple-là, croyez-vous? Ah, il y avait de l'amour, mais il y avait une sorte de... Il y avait de l'amour. Je pense qu'il était éperdument amoureux d'elle, d'après certains témoignages. Elle aussi, c'était aussi le français. Il avait cette aura aussi du français, dada, chic, dandy, milieu littéraire. Et le français était très à la mode à New York dans les années 20. C'est-à-dire, si on était français, c'était une carte de visite énorme. Hein, tous les gens apprenaient, donnaient des cours de français à leurs enfants. C'était quelque chose de très chic. Ça n'est plus tout à fait le cas. Mon secret. Je suis passé de l'autre côté du miroir. Le 20 juillet 1924, à Oyster Bay, dans la maison de Cecil Stewart, j'ai réalisé cet exploit surprenant. J'ai pris un léger élan, et le front en avant, j'ai traversé la glace. Ce fut facile et magique. Une légère coupure au front, une blessure imperceptible et fatale. Le voici de l'autre côté. Je vous reconnais, vous êtes Lord Patchogue. Ou alors, vous êtes l'image de Lord Patchogue si vous n'êtes pas Lord Patchogue lui-même. Le merveilleux n'est pas rare. L'incrédulité est plus forte que les miracles. Lord Patchogue, le premier, était mal assuré d'avoir franchi le pas. La lâcheté, c'est toute la dignité de Lord Patchogue. Aucun de ceux qui s'empressaient autour de lui ne s'avisa de la surprenante disparition de leur ami. L'envers vaut l'endroit. Il fallait s'y attendre. Et oui, l'envers vaut l'endroit, il fallait s'y attendre. Il n'y a pas d'ailleurs, que ce soit en Amérique ou en France, c'est tout pareil. On n'a pas forcément très bien saisi, puisque cette archive n'est pas très simple à comprendre avant les explications que vous allez nous donner sur cette traversée du miroir de Jacques Rigaud. C'est un événement qui, vu de l'extérieur, semble finalement assez banal. Il se tape la tête contre une vitre ou contre un miroir, mais pour lui, ça va changer sa vie du tout au tout. Ah oui, c'est un événement majeur dans la vie de Rigaud, ce 20 juillet 1924 à Oyster Bay, où il traverse littéralement le miroir. Et il devient en fait, il devient Lord Patchogue, c'est-à-dire Lord Patchogue tue Jacques Rigaud. Il y a une sorte de meurtre symbolique. C'est qui Lord Patchogue? C'est juste un pseudonyme? C'est un double en fait, c'est un double qui n'est pas si romanesque que ça finalement, parce qu'il se prend vraiment pour Lord Patchogue ensuite. Hein. Il se fait imprimer des cartes. Il y a de la schizophrénie là? Il y a un petit peu de schizophrénie dans Lord Patchogue. Il se fait imprimer des cartes au nom de Lord Patchogue. Il s'envoie du courrier à son adresse new-yorkaise au nom de Lord Patchogue. Donc ça, ce 20 juillet 1924 préfigure en fait le réel suicide qui aura lieu quelques années plus tard. C'est-à-dire que c'est un meurtre-suicide symbolique qui annonce le vrai suicide. Donc il est vraiment passé derrière le miroir. Le problème, c'est qu'il reste derrière le miroir. En fait, il y a tout un jeu après. Il raconte très bien ça dans ses textes consacrés à son double. Il raconte qu'il passe derrière le miroir et qu'il y reste et qu'il regarde les autres vivre, en fait, à travers le miroir, ceux qui sont encore devant le miroir. Donc, il est dans l'impossibilité de toucher les autres réellement? Exactement. C'est ce que dit Drieux et dans le film de Louis Malle, exactement, le feu follet, quand Maurice René dit devant Alexandra Stewart, je ne peux pas vous toucher. Ouais. C'est exactement ça. Vous pensez que c'est un film qui a su capter Jacques Rigaud et sa personnalité? Le feu follet de Louis Malle, oui, tout à fait. C'est l'un des plus beaux films, à mon avis, du cinéma français du XXe siècle. C'est le meilleur rôle de Maurice René. C'est le meilleur film de Louis Malle et qui a su vraiment capter presque plus finalement que le livre de Drieux. Quoi. Il dépasse presque le livre de Drieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui est si spécifique? C'est ce côté bouleversant en fait. C'est-à-dire cette figure de Maurice René qui va vers la mort, qui est une sorte de condamné à mort. Hein. Dès le début, on le sait qu'il va mourir. Il y a un côté racinien et on est bouleversé à chaque image. Quoi. C'est un film très prenant. Et qu'il faut donc revoir. Ah oui. Il y a donc la mort, hein, on en a parlé, de Jacques Rigaud par suicide, une balle dans le cœur à la Vallée aux Loups, hein, à Châtenay-Malabry, dans cette maison de Chateaubriand. Ça a beaucoup étonné les milieux littéraires. Ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écouter. Je veux dire, Jacques Rigaud n'a pas cessé de dire qu'il allait se suicider. Oui, mais en même temps, quand quelqu'un vous parle toujours de suicide, on se dit qu'il ne va pas le faire. C'est ça, qu'il a surpris tout le monde, parce que personne, il y en a, même des gens faisaient de l'humour avec ça en disant « mais Jacques Rigaud ne s'est pas encore suicidé ». Et là vous citez Barbé d'Aurevilly qui dit « un des caractères des dandys c'est de ne jamais faire ce qu'on attend d'eux ». Exactement, c'est ce qu'il a fait. Et il a surpris tout le monde. C'était donc un vrai dandy. Qui a tué qui se demande Annie Lebrun dans la préface à votre livre. On pourrait reformuler autrement la question. La postérité finalement de Jacques Rigaud. Bah, la postérité, elle arrivera au début des années 60, quand Martin Kay fera une thèse sur Jacques Rigaud à Nanterre. Et cette thèse deviendra un livre chez Gallimard où il rassemblera les écrits retrouvés de Jacques Rigaud en 1970. Et à partir de ces années-là, il y a une sorte de postérité qui se fait. Et puis aujourd'hui, la sortie, donc il y a quelques semaines, de votre biographie, Jacques Rigaud, le suicidé magnifique, chez Gallimard, à laquelle nous renvoyons nos auditeurs. Tout de suite, c'est le moment d'En Compagnie des Revues. La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. compagnie des revues et en compagnie aujourd'hui d'Elie During de la revue Critique. Vous venez nous parler du numéro que consacre Critique à Théodore Adorno. Bonjour Elie. Bonjour. Le sous-titre c'est Adorno, suite française. Pourquoi ce titre ? Bon, les suites françaises, il faut l'entendre en écho au cantor de Leipzig, Bach, mais surtout à la passion pianistique d'Adorno, qui était entre autres l'auteur d'un essai fameux sur Bach défendu contre ses admirateurs. Donc oui, Théodore Wiesengrund Adorno, il a traversé le siècle avec deux viatiques, et il en est beaucoup question dans ce numéro de Critique, la philosophie et la musique. C'est lui qui disait « j'ai étudié la philosophie et la musique, au lieu de me décider pour l'un ou pour l'autre, j'ai eu toute ma vie » le sentiment de poursuivre en fait le même but dans des domaines divergents. Donc ce nouage philosophie-musique, c'est un des motifs qui traverse tout le dossier, hein, ce dossier que consacre la revue à Adorno sous la houlette de Michel Cohen-Halimi. La musique, c'est véritablement une sorte d'opérateur critique qui est aussi important dans son genre que l'idée dialectique qu'Adorno hérite de Hegel et de Marx. Dans l'entretien entre Alexander Kluge et Sylvia Chrostowska, il est question de cet intérêt très vif de Adorno pour la polyphonie, pour le contrepoint au sens musical, mais plus généralement l'idée d'un déséquilibre contrôlé entre plusieurs voix qui se font entendre ensemble, dans leurs différences, parfois dans leur stridence. Bon, c'est vraiment la métaphore vivante d'une méthode que Adorno a mise au point dans toute son œuvre, qui est cette fameuse méthode de la constellation. La constellation, donc une pluralité ou polyphonie de voix qui offre un accès conceptuel au non-conceptuel, un accès formel à l'informel, à ce point d'achoppement où bute le sujet, le point de résistance. Donc on comprend bien l'idée de suite, mais pourquoi est-ce que cette suite devrait être particulièrement française ? Et alors pourquoi française ? En effet, c'est en fait une manière d'évoquer ce qui constitue en réalité le thème principal de ce numéro, à savoir la réception compliquée, la réception retardée d'Adorno en milieu français. Précisément. Donc les suites ici, c'est une série de rebonds, une lecture qui s'est faite par phases successives et de manière incomplète. C'est Edgar Morin qui déjà en 57 écrivait, c'était une lettre adressée à Adorno, il faut en général, je le cite, 50 à 200 ans pour qu'un penseur allemand de génie soit apprécié en France. Nous nous efforcerons à votre égard, disait-il, de hâter un peu les choses, mais ça a pris quand même beaucoup de temps. Et Michel Cohen-Halimi résume bien les choses quand elle dit que c'est vraiment l'histoire de la réception française d'Adorno, l'histoire d'une réception, ou plutôt d'une non-réception active, dont aujourd'hui on corrige un peu certains effets. Certaines erreurs de perspective liées, entre autres, à l'association constante pendant longtemps du nom d'Adorno à celui de Horkheimer, et donc à l'idée, disons, à cette entité un peu flottante qui est la théorie critique ou la fameuse école de Francfort. Et puis de l'autre côté, le cantonnement parfois un peu exclusif d'Adorno à des questions de type d'ordre esthétique. Justement, via la musique, il a d'abord été en effet introduit à travers cette œuvre-là, les textes sur Mahler, sur Schoenberg, sur Stravinsky. Mais plus grave peut-être que des erreurs de lecture ou des lectures écran de ce genre, il y a de véritables résistances. Alors quelles résistances en particulier ? Mais des résistances qu'on comprend bien si on se retourne maintenant avec rétrospectivement sur la période des années 60 en France. Le climat intellectuel français dominé d'une part par, je dirais, le dialogue continué et donc l'influence continuée de Heidegger sur, disons, la pensée philosophique française. Et puis d'autre part, à ce moment-là précisément, le structuralisme et singulièrement une variété du marxisme typiquement français, le marxisme althusserien, qu'on pouvait pratiquer en lisant Lacan d'une autre main et qui rendait très difficilement assimilable la pensée d'Adorno, ce freudo-marxisme associé au nom d'Adorno. Il a fallu que s'opère cette décrue du structuralisme pour que soit à nouveau disponible la question que Adorno a voulu instruire avec sa voix propre et de façon vivante, c'est-à-dire celle de la position d'un sujet. Non. Au-delà des pensées sans sujet ou du processus sans sujet, d'un sujet pour une expérience absente ou introuvable, une expérience en miettes. Qu'est-ce qui reste de la subjectivité de cette pensée ? Je crois que c'est au fond la ligne qui traverse tout ce dossier. Merci beaucoup Elie During. Adorno, suite française, c'est donc le dossier du numéro 871 de la revue Critique, actuellement en librairie. Tous les renseignements sur le site des éditions de Minuit. C'était La Compagnie des œuvres, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Hélène Rivière et Morgane Danon. Demain, on continue notre parcours dans les années 20 avec le début d'une série qui sera consacrée au photographe et peintre Man Ray. C'est Serge Sanchez qui nous racontera sa vie.